Bismillah ar-Rahim. Dans le dernier derf, nous avons pris que cette da'wa met en garde contre le tashabbuh bil-kuffar, qui est le fait de ressembler, chercher à ressembler aux mécréants. Naam. Et nous précisons que dans le fait de chercher à ressembler aux mécréants, l'intention n'est pas une condition. À partir du moment où tu ressembles à un kafir dans quelque chose, sans même que tu l'aies cherché ou tu l'aies voulu, la chose, l'interdiction reste quand même valable. Car des gens pensent qu'il faut le faire volontairement pour dire que tu ressemblais à un mécréant. On dit non, même si tu ne le savais pas et que tu n'as pas fait, tu n'es peut-être pas le péché, mais l'acte reste tout de même interdit. Et une fois que l'argument a été donné, tu dois arrêter sur le champ. Et ne pas dire, moi je ne cherche pas à le ressembler, je fais cela pour une autre intention. On dit, il ne faut pas le faire quand même. Thumma qala, a'da' ahli sunnati yakzibuna 'alayhim. Que les ennemis des gens de la sunna mentent sur eux. Et cela en vue de quoi ? De les enlaidir aux yeux des gens et de faire fuir les gens de cette da'wa. قال واعداء السنه يكذبون عليهم ويرمونهم بشتاء الالقاب فتاره يرمونهم بانهم وهابيه وتاره بانهم مكفره وتاره بانهم مشددون ومتشددون وتاره بانهم عملاء وتاره بانهم مقلده زلمي دي جندر السنه منسيور اي leur lance des sobriquets des surnoms mensongers. Tantôt il les traite de wahhabiyya, c'est-à-dire les suiveurs de Mohammed ibn Abdul Wahhab, que c'est une secte. Ou des fois, ils le traitent de takfiriyin, car justement, ils appliquent le fait de le takfir légiféré sur les gens du shirk, qui tombent dans ce genre de shirk. Donc ces gens-là, même par cela, ils les traitent de mukafira, de takfiriyin, injustement. Ou également, des fois, ils les traitent d'extrémistes, comme vous le savez, ou d'employés, comme les gens de la sunna appellent à obéir au gouverneur, dans ce qui lui revient, dans son droit. D'accord ? Alors ceux qui appellent au soulèvement disent que les gens de la sunna sont des employés de l'État. Chose qui n'est pas le cas, car comme nous l'avons dit précédemment, les gens de la sunna ne cherchent pas à appeler au gouverneur. Ils leur obéissent parce qu'Allah leur a donné d'obéir, mais leur but n'est pas en seulement de tirer quelques avantages dans cette dunya. Ils le font juste quoi ? Par adoration. Et le fait de l'obéir ne veut pas forcément dire le fait d'agréer les erreurs. Hein, et ils s'éloignent des gouverneurs, car le gouverneur est une fitna. Naam. Et les traite également de mukallida, de gens qui suivent aveuglément. Chose qui n'est pas vraie. Car les gens de la sunna reviennent au fatawa des gens de science basés sur le dalil. Et comme les gens des passions n'aiment pas les savants de la sunna, ils disent qu'on les suit aveuglément dans ce qu'ils disent. Et si le savant de la sunna dit une fatwa avec un dalil, on l'accepte. Et si jamais il fait un ijtihad, il se trompe, on n'accepte pas. En gardant le respect du savant, tant qu'on sait qu'il ne cherche pas par un mal qui ne suit pas ses passions. « Wa rami da'at ila Allah bi hadhihi al-iftira'at yu'tabar 'alaman min an-nubuwah » فقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق أرويبضة. Et donc le fait justement d'accuser les prédicateurs à Allah avec toutes ces faussetés, cela fait partie des signes justement des signes prophétiques, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé de cela dans ce hadith rapporté par Anas ibn Malik, quand il l'a dit, avant que ne l'heure n'arrive, il y aura des années trompeuses dans lesquelles on croira le menteur et on démentira le véridique. C'est yukhawwan fiha al-amin. Naam, enfin j'ai mal lu tout à l'heure, j'ai dit yakhul, c'est yukhawwan fiha al-amin, qu'on traitera l'homme de confiance, qu'on le qualifiera de traître. Et qu'on fera confiance aux traîtres, justement, le contraire. D'accord ? Que les gens prendront en confiance celui qui est un traître pour eux. Et se mettra à parler le roi Ibida. Qalu, wa ma roi Ibida, ya Rasulallah, qala es safih, et takallam fi amle l'amma. Et le roi Ibida, il dit, qui est-il ? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sot, le faible d'esprit, qui part dans les choses qui touchent aux gens de la masse. Donc, comme beaucoup de gens font aujourd'hui qui n'ont pas de science, ou très peu de science, rentrent dans des sujets divers, ainsi à droite à gauche, d'accord, dans des sujets qui ne le contrôlent pas, qui ne le maîtrisent pas et qui ne leur reviennent pas. Et dans tel qu'un sujet d'actualité est évoqué, ils veulent rentrer dedans et en parler. Quitte à dire des sottises et à se tromper. Pour eux, le but, c'est de parler, de se faire entendre. Et également, ils accusent de diviser entre les gens. Et il parle là de la division qui est blâmable, pas la bonne division. Car au début du livre, nous avions dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a divisé entre les gens, il a divisé entre le haq et le batil, ça c'est vrai. Mais lui, il veut dire quoi par là ? Que les gens de la sunna sont des hizbiyas en fait. Les gens de la sunna, la salafia est une hizbiyya qui est une hizbiyya qui est mauvaise. Et cela n'est pas vrai. Donc il dit par la suite qu'il n'est pas étrange justement de trouver toutes ces offenses et ces accusations envers la... et toutes ces attaques envers les gens de la sunna, car cela justement est une chose qui fait partie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous avait averti que celui qui s'accrochera à sa religion subirait maintes nuisances de la part de ses opposants. Et d'ailleurs, dans le livre Usul Salasa, que la plupart d'entre vous ont appris, au début on l'apprend. Parmi les Masail Arba'a qu'il faut apprendre, l'ilm, la science, l'amal obi, avec cette science, l'da'watu ilihi, appelé à cette science, et le quatrième c'est al-sabr al-azafi, le fait de patienter sur les nuisances qui en découleront. C'est inévitable. C'est inévitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été l'homme le plus éprouvé. Donc il en va de même pour ceux qui suivront sa voie. Ils seront éprouvés également. Et les prophètes d'avant lui également ont été éprouvés, comme ce fut le cas de Nour, quand Allah Azza wa Jal, quand les mala'u min qawmihi inna naraka fi dhalalin mubin, que les notables de son peuple lui ont dit, nous t'aurions certes dans un égarement évident, lorsqu'il a voulu les appeler au tawhid. Ils sont mis à l'insulter et à mal lui parler. Comme ce fut le cas également de Houd, et de Shu'aib, et de Ibrahim alayhi salam, qu'ils ont voulu brûler lorsqu'il a démontré la fausseté de leur divinité, et ghayr dhalika. C'est une chose qui est la tradition d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été lui-même traité de menteur, de sorcier. Comme Arbana Allah Azza wa Jal fi qawlihi, وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Dans le sens où il dit, sont-ils donc surpris que leur vienne un avertisseur d'eux-mêmes, c'est-à-dire des hommes, et les koufars, ils ont dit, les mécréants, ils ont dit, c'est un sorcier et un grand menteur. Sod, verset 4. Et combien de versets sont venus pour parler de cela? Et il ذكرت في سير العلماء الربانيين والدعاة المصلحين تجد أنه قد افتري عليهم وأوذوا. فهذا الإمام أحمد بن حنبل ضرب وسجن في المحنة حتى مات من أثر التعذيب. من أثر التعذيب. Et si tu lis dans la biographie des savants, des grands imams parmi les salafs, tu trouveras que eux-mêmes ont été châtiés par leurs ennemis, qu'ils ont été attaqués par leurs ennemis, offensés du fait qu'ils appelaient la vérité. Comme c'est le cas de l'imam Ahmed, comme vous le savez dans Al-Mihna, dans l'épreuve de fait de dire que le Coran il est créé ou pas, et que le Coran est incréé, bien évidemment, l'imam Ahmed a été torturé. Et d'ailleurs, par la suite, même si, alhamdoulilah, il a passé l'épreuve et qu'il a été élevé par la suite, il mourut des séquelles de ce châtiment qu'il a subi de la part des gouverneurs de l'époque. L'imam Ahmed également, l'imam Malik également, fut frappé du fait qu'il faisait des fatawas qui s'opposaient à ce que le gouverneur voulait. Il a été mis en prison et frappé à tel point que il n'avait plus à passer sa main droite sur sa main gauche lorsqu'il faisait la salat. Et de là, des gens ont cru que l'imam Ahmed, l'imam Malik, voyait l'irsel, le fait de pouvoir faire salat, les bras ballants. Chose qui n'est pas le cas. Cela est expliqué qu'il a fait cette salat de cette façon-là à cause des blessures qu'il avait et non pas du fait qu'il voyait l'irsel, car l'irsel est une chose qui s'oppose à la sunna. La sunna dans la salat, c'est de poser la main droite sur la main gauche. Et ce fut le cas de Cheikh al-Islam, qui fut mis en prison à maintes reprises et qui mourut en prison également. Rahmallahu ta'ala. Également l'imam Ibrahim, Mohamed Ibn Ibrahim, el-Wazir, qui se sauvait de montagne en montagne, qui était pris en chasse par les Rafidah. Vous avez également le Mohamed Ibn Ismail el-Amir, qui est al-San'ani, dont des gens ont conspiré à son meurtre, qui ont conspiré à le tuer du fait qu'il appelait la vérité. Donc combien de savants ont voulu se sauver de leurs ennemis? Ce n'est pas par lâcheté, mais tout simplement du fait qu'ils avaient une vérité à propager. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, d'accord, a été victime de complots. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé de cela. Donc qu'en est-il de ceux qui suivront sa voie? Il en sera de même. Qu'il s'agisse de mensonges, qu'il s'agisse de complots, qu'il s'agisse d'attaques et d'offenses, les gens de la sunna subiront, mais cela ne fera que les élever en degré. بفضل الله تعالى نعم فبيذلك نكتفي والحمد لله رب العالمين